Je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux un peu te présenter, toi, en tant que personne? Donc, on te rencontre pour le film Comme des lions. On parlera de ça, mais aussi j'avais envie d'un peu connaître, tiens, Françoise Davis, qui tu es, ce que tu fais, comment ça se fait que tu es là? Donc, je suis réalisatrice. Hein. J'ai fait pas mal de documentaires pour la télé française, moins une douzaine. Et puis là, j'ai fait un film, mais plutôt pour une sortie en salle. Un film, c'est un film réel, mais c'est vraiment un film de cinéma à voir dans un contexte de salle, quoi. Voilà. Et sinon, j'habite à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Voilà. J'ai grandi en banlieue. J'ai passé toute ma vie en banlieue, donc c'est aussi. Ma façon de voir le monde, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter les gens tels qu'ils sont et pas la manière dont les stéréotypes collent à leur peau, quoi. Voilà, c'est un peu. Je pourrais me définir comme ça, quoi, si tu veux. Eh bien, enchantée alors, Françoise. Mais donc, tu as déjà réalisé 12 films et aussi un peu sur les mêmes thématiques de Comme des lions, rien à voir. Alors. Ça a rien à voir au sens où Comme des lions, donc c'est l'histoire d'une lutte en entreprise, hein, à l'usine, donc ça j'avais jamais été. Mais par contre, les films que j'ai faits, c'est des films assez variés. Il y en a sur, il y a un film sur l'hôpital, un film sur la grande pauvreté, un film sur les violences policières. Ce qui les rassemble tous, c'est l'idée que les gens, ils ont une intelligence et une capacité à avoir un point de vue sur leur vie, et que souvent les institutions les mettent dans des cases qui fait que ça s'est écrasé, c'est dominé, et au lieu d'en être une richesse, ça devient une confrontation hyper violente entre les désirs d'institutionnels et puis les capacités des gens à prendre en main leur destin. Bon, bah là, on peut dire Comme des lions, ça va au bout de ça, parce que là, c'est vraiment des gens qui prennent en main leur destin, vu qu'ils se mettent en lutte, qu'ils se mettent en grève, qu'ils relèvent la tête, et donc c'est un pas de plus, je dirais, dans ce que j'aime faire, mais en tout cas, ce que j'aime faire, moi, c'est filmer les gens en allant aussi loin que possible dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire faire le contraire de ce que font les institutions, souvent qui déterminent à la place des gens ce qui va être leur bien, soi-disant. Moi, je vais voir les gens et puis j'essaie d'aller loin dans ce qu'ils pensent d'eux, de ce qu'ils ont envie, de la façon dont ils voient leur vie et le monde autour d'eux, quoi. C'est vraiment ça. Et souvent, c'est des super belles rencontres. En fait, c'est des films de rencontres aussi, quoi, du coup. Est-ce que tu peux bien expliquer un peu le sujet du film? Ou je pourrais moi aussi un peu l'expliquer, ça hein, mais voilà, je te laisse, après on discute. Voilà, donc Comme des lions, c'est l'histoire d'une lutte à PSA Aulnay, donc c'est ceux qui font la Citroën, la C3 à Aulnay-sous-Bois, qui est donc en Seine-Saint-Denis. Et en fait, moi j'ai été les voir parce que, bon, j'imagine que c'est pareil en Belgique, mais la question qu'est-ce qu'on peut faire, il y a rien qui marche, les luttes ne marchent pas, etc. Elle pèse un peu sur tout le monde, même si on n'est pas militant. Et là, il y avait des gens, en fait, le syndicat de l'usine, la CGT, qui avait annoncé la fermeture. On est en quelle année, là, parce que... Ah oui, en 2011, il y a la CGT de l'usine qui annonce qu'il y a un plan secret, que des cadres leur ont envoyé anonymement, qui dit que l'usine va fermer. Et donc, un an avant l'annonce officielle, ils décident de se mettre en bagarre. Ça veut dire que dans le climat qu'on connaît un peu de désespérance, eux, ils décident que, allez, on va aller au combat. Et comme le dit au début du film un des animateurs de la grève, ça se fait d'abord dans la tête, comme un match de foot qu'on organise avant de le faire. Et donc, il y avait ce côté stratégie, gens qui savent que voilà, ça s'organise, on y va, on doute de rien et on doute de rien, on doute de tout, c'est-à-dire qu'ils avaient aucune illusion sur le camp d'en face, mais on y va. Et moi, je voulais filmer puisque nous tous, militants ou pas, on a rarement vécu une lutte, on a rarement été à l'intérieur. Moi, je me suis dit, on va montrer ce que c'est. Et puis comme ça, chacun pourra se déterminer par rapport à la réalité de ce qu'est une lutte et pas par rapport à ce qu'on en entend autour, etc. Et donc pendant 2 ans, je les ai filmés. Et donc c'est pas la chronique un peu syndicale de la lutte, c'est vraiment être avec eux au plus près de ce qu'ils vivent pour voir comment ce moment de vie qui est une lutte, parce que c'est vraiment un moment de vie, quel effet ça a, qu'est-ce qu'on ressent, quel est le... Et puis ce qui était très beau dans cette lutte, c'est qu'il mettait tout sur la table. C'était une lutte avec un comité de grève, donc très démocratique, c'était un bonhomme, une voix. Et du coup, ça permet en termes de cinéma de voir des gens, des ouvriers, mais qui réfléchissent, chacun dit son avis, décide ensemble, applique ce qu'il dit, etc. Donc c'est un espèce de thriller sur l'intelligence collective, quoi. Enfin, moi je le résumerais comme ça, quoi. Mais oui, c'est un, il est ton film, il est il est magnifique dans le sens où t'as cette caméra. D'abord, toi, on te voit pas. T'es vraiment avec les gens. Et alors, ce qui est super, c'est que, bon, on en parlait hier, hein, de cette idée qu'il n'y a pas un leader, quoi. On est en lien avec plein de gens, aussi bien masculins que féminins. Enfin, en même temps, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais ces deux femmes sont quand même là. Elles ont une parole, elles existent. C'est vraiment fabuleux, quoi, dans le sens de... Ça prend le temps aussi, ça négocie, ça discute. Non, c'est vraiment bien fait. Et alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est cette idée de... Pas de casse, quoi. Pas de violence. Et ça, c'était assez fort, quand même, parce que c'est un choix fondamental, quand même, de casser ou pas tout casser. Et c'est un choix qui est discuté tout le temps. C'est-à-dire que il y a toujours cette envie de, parce que c'est énervant, hein, faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de réponse autour, donc il y a cette envie de casser. Et en fait, ils en discutent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils mettent sur la table, bah voilà, mais tu veux faire quoi? Mais pourquoi on en est là? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et donc la décision, comme ils discutent. Comme ils discutent, que les décisions se prennent collectivement, qu'on pose ces questions-là de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on en est là. Souvent, l'envie de casser, c'est parce que on n'arrive pas. Et donc, on se dit que ça va régler, alors que ça va régler rien du tout, et que c'est un piège parce qu'après, il y a des copains qui sont incriminés, et il y a des sanctions, et c'est encore pire. Et la lutte, elle est déviée sur la lutte contre les sanctions, alors qu'elle devrait s'occuper des revendications. Bref, c'est un piège. Mais surtout, le fait ce qui est assez beau, c'est que comme ils en discutent, qu'ils prennent le temps d'en discuter, de décider ensemble, en fait, après, il y a une grande confiance. Et cette confiance qu'ils ont entre eux fait qu'il n'y en a pas un qui pète les plombs, parce que il sait que les copains comptent sur lui et lui il compte sur les copains. Donc il y a une espèce de l'expression se serrer les coudes, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'à partir du moment où les décisions elles sont prises ensemble, en ayant tout mis sur la table, et ben la violence elle est plus là, parce que il y a la solidarité et la confiance qui le remplace, quoi. Ça c'est bon, là c'est des mots, ça a l'air ronflant, mais franchement physiquement on le voit dans les images, quoi. C'est physique, c'est un espèce de corps qui se serre parce qu'ils ont pris les décisions ensemble. Et souvent ce qui décide, à la place de vouloir casser ou je sais pas, séquestrer, etc., c'est de retourner voir les non-grévistes, de retourner discuter avec eux, de leur faire signer une pétition, etc. Parce que contrairement aux surprésentations qu'on a, où on met d'un côté les grévistes agités et de l'autre côté les bonnes personnes qui veulent pas aller dans l'aventure, ça se passait pas comme ça dans l'usine, quoi. Il y avait des gens à des stades différents de mobilisation, et c'est vrai qu'il y avait des non-grévistes, mais justement pour éviter la violence étroite, y retourner, discuter avec eux et leur demander de signer une pétition, de ne pas redémarrer la chaîne, etc. Et c'est pour ça que ça a tenu 4 mois, la grève a tenu 4 mois, parce qu'il y avait ce rapport-là. Et c'est vrai que c'est assez beau sur la question de la violence. Ils sont pas contre a priori, hein. À la limite, si ça s'était décidé, mais si on le décide, on décide intelligemment. C'est-à-dire, on décide, on fait pas un pétage de plomb. Il y a des usines comme ça où les gens ils se mettent en colère, ils cassent tout, puis après il se passe plus rien. Parce qu'en fait, c'est parce que la lutte elle est pas pensée. Et quand tu penses une lutte, c'est souvent évacuer la question de la violence parce que c'est pas tellement efficace en termes de progression de ce qu'on veut gagner, quoi. Et donc c'est tout ça, on l'apprend. C'est aussi un film où qu'on ait fait des luttes et surtout qu'on n'en ait pas fait, on apprend plein de choses sur ce que c'est que cette forme d'expression. Et ça, c'est un truc que moi j'ai vachement appris. Puis je trouve ça vachement ludique d'apprendre ce que c'est que ça s'apprend, une lutte, ça s'apprend, ça se décide, il y a des passages obligés. Enfin, il y a tout un jeu comme ça qu'on découvre, quoi, de choses qu'on connaît pas. Et en même temps, dans ce film, j'ai beaucoup apprécié. C'est assez beau parce que les gens sont entre eux. On les sent vraiment très proches, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi pas mal de sourires. Comme quoi, on peut faire aussi une lutte et se retrouver pleinement à avoir de l'humour. Enfin, c'est beau, quoi. Vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié beaucoup ce film. Ce qui donne la pêche aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On a l'impression qu'on est plombé, qu'il y a moyen de rien faire. Mais non. Et même si c'est pour perdre au bout du bout, c'est important de dire non, de pas se laisser faire. Enfin, ça vaut la peine, quoi. Le film, comme des lions, ça fait comme des lions en cage. Non, comme des lions qui se battent. Alors, c'était leur t-shirt « On se battra comme des lions » parce que le symbole de Peugeot, Citroën et Peugeot, c'est la même usine, le symbole de Peugeot, c'est un lion. Et donc, ils avaient pris le jeu de mots de se battre comme des lions, mais c'est pas comme des lions. C'est un peu comme des lions en cage, mais comme des lions qui se libèrent. Il y avait un gars qu'on voit beaucoup dans le film, Ahmed Berazel, il m'avait expliqué ça, il m'avait dit la première lutte qu'il a fait, c'était en 2005, il avait l'impression d'être des pitbulls et qu'on avait défait leur laisse. Voilà, et que là ils étaient libres. Et c'est vraiment cette question de la liberté, c'est-à-dire que c'est difficile pour les gens de se mettre en bagarre parce que ça leur fait peur, hein. Enfin, pour tout un tas de raisons, ça fait peur. Mais une fois qu'on s'y met, c'est un moment de liberté dans la vie comme on a peu, puisque ils vont quand même au travail, même plus que enfin tu fais pas 8 heures, tu fais 16 heures, donc t'en fais plus, mais t'es libre, tu discutes, tu t'organises, tu décides toi-même de ce que tu veux faire ou pas, t'es vraiment au maximum de tes capacités, et donc c'est un moment de bonheur, d'humour, de chaleur en plus, quoi. C'est quand même, t'as le temps de discuter, c'est des travailleurs à la chaîne, hein, donc ils passent pas leur temps à discuter. Et là, tout d'un coup, ils sont maîtres chez eux, libres, et donc, ouais, ils se marrent bien. Et puis en plus, bon, c'est la Seine-Saint-Denis, mais c'est l'humour populaire aussi. Il y a quand même une faculté de rigoler et de se moquer qui est propre aussi au milieu populaire, quoi. Et donc, il y a toute cette ambiance-là de chaleur. C'est pas, alors on dit, ils ont perdu. De toute façon, ça aurait fermé, hein. Qu'ils aient fait la lutte ou qu'ils aient pas fait la lutte, ça aurait fermé. Ils ont gagné plusieurs millions, quand même, hein. Donc, faut quand même le dire. C'est pas rien. Et puis, de toute façon, je dirais, c'est comme les acquis sociaux, quoi. L'essentiel, c'est certes de gagner des choses, mais c'est aussi, tout ce que tu gagnes en étant au maximum de tes capacités. Ce qui t'arrive vachement rarement dans la vie, quoi. Des moments de, ouais, c'est un moment de grâce. Difficile, avec des doutes, etc. Mais c'est quand même un moment de grâce, quoi. Oui, on les voit aussi. Des fois, c'est difficile. Ils se posent des questions. Mais bon, ils sont ensemble. Et tiens, je sais que c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. C'est-à-dire que c'est, il y a aussi cette phrase qui vient « On est des ouvriers, hein ?» On est des ouvriers, alors que c'est dingue parce que les ouvriers, on en entend tellement plus parler des ouvriers. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Moi, ça m'a marqué. Alors là, ça m'a marqué pendant le film, mais ça me marque surtout pour la sortie du film. On est formaté à penser que les ouvriers, c'est la mort. C'est-à-dire non seulement on passe notre temps depuis qu'on est né à entendre que le monde ouvrier disparaît, etc. Alors que non, enfin je veux dire c'est pas vrai. Voilà, c'est tout bêtement pas vrai. Et quand une usine ferme, les ouvriers demeurent. On les assassine pas encore avec leurs murs, donc c'est faux. Et en plus il y a cette idée que voilà, ça serait forcément triste et victime et une espèce de truc limite si voilà tu filmes des gens qui ont le cancer, quoi. Or, eux, ils n'arrêtent pas de dire on est des ouvriers. Et ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est que dire on est des ouvriers, c'est très important. Au début, pareil, je me disais bon, pourquoi ils disent ça ? C'est très important parce que c'est normalement maintenant dans le management, c'est on est des opérateurs, on est des collaborateurs, etc. Et donc dire on est des ouvriers, ça veut dire on a décidé de penser l'entreprise par rapport à nos intérêts à nous. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un boulot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de trop souffrir dans ce boulot-là. C'est-à-dire d'oser dire ses intérêts à soi, alors même que bah, une usine, elle ferme. Quand on y pense, c'est impensable. Quand une usine ferme, quel que soit ce qu'on pense idéologiquement, on se met du côté de la stratégie patronale. Est-ce que ça vaut le coup que ça ferme ? Ce qui est complètement idiot, parce que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. La question qui se pose à nous, c'est comment on fait pour avoir du boulot et vivre de notre travail sans morfler trop au travail. C'est ça qu'on a posé comme question. C'est pas la question de la rentabilité financière et que est-ce qu'il faut qu'elle ferme, est-ce qu'il faut que c'est intéressant, pas intéressant, est-ce qu'ils gagnent assez de pognon, pas assez de pognon. C'est leurs oignons, c'est pas les nôtres. Et à un moment donné, on est quand même aussi formaté là-dessus. Donc, on est des ouvriers, c'est ça. C'est tout d'un coup dire. On a des intérêts qui sont les nôtres, et c'est cela qu'il faut qu'on exprime. Faut pas avoir peur de l'exprimer. Et l'autre chose, c'est faut pas avoir peur non plus d'aller voir des ouvriers au cinéma. Je veux dire, il y a eu jusque dans les années 50, le cinéma, il regorgeait d'histoires qui se passaient dans les milieux ouvriers, et c'était normal. Et maintenant, dès que c'est les ouvriers, waouh ! Et ce que j'aime bien, moi, dans ce film-là, c'est que quand on le regarde, ben, on peut s'identifier à Ahmed, à Agathe, à Salah, à Jean-Pierre, à plein de gens différents. On n'est pas obligé de s'identifier à un leader Maximo qui, lui, a la vérité pour tout le monde. Et donc, c'est aussi, en termes de cinéma, en termes de politique, un autre rapport à notre vie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de suivre toujours un chef, quelqu'un qui brille, etc. Non, on peut être collectif. Et des ouvriers, c'est ça. Il y a une fois, moi, un Mohamed, je l'interviewais et je lui dis, pour toi, c'est quoi un ouvrier? Et il m'a répondu, un ouvrier, je sais pas, mais des ouvriers, je sais. Voilà. Et c'est vraiment ça. Pas mal comme réponse. Oui, pour approfondir un peu le sujet, tu penses, c'est une question, hein, que les ouvriers sont, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en entend plus parler, et c'était Franck Lepage qui disait ça, hein. Tu vois, c'est qui un peu Franck Lepage? Qui disait qu'on n'en entend plus parler dans les livres, au théâtre, au cinéma, etc. C'est-à-dire, ils sont soit victimes, bon, alors, dans les médias, on en entend parler quand ils luttent comme des voyous, et quand ils luttent pas, comme des victimes, des pauvres malheureux, machin. Ou alors des concurrents avec ceux qui sont au chômage, comme si, pareil, il y avait une différence entre ceux qui ont du travail et ceux qui ont du chômage. Donc, en termes de division. Mais sinon, c'est forcément chiant, mais c'est incroyable, quoi. Les milieux populaires, c'est forcément chiant. Alors que les plus beaux films qui ont été faits, c'est quand même dans les milieux populaires. C'est quand même, enfin, voilà, pensons à Gabin, pensons à Amanda dans le Casque d'Or. Enfin, alors là, je parle cinéma, mais c'est incroyable qu'on nous ait inversé le cerveau en pensant que milieu populaire égale victime égale film chiant. C'est quand ils pensent, c'est incroyablement faux. Et puis là, ça se voit, parce qu'en effet, c'est pas chiant, parce qu'ils sont pleins de vie et qu'ils sont pleins d'intelligence et pleins d'énergie et pleins d'humour. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve que il y a une mine de sujets qu'on pourrait tourner chez les ouvriers et tout, alors qu'on les ait fait disparaître comme ça du champ de la visibilité. Alors ils ont disparu parce qu'il n'y a plus de lutte, mais ils ont aussi disparu de la visibilité partout, quoi. Et ils existent, ils sont, je sais pas moi, ils sont un quart de la population, au moins, enfin j'imagine, même si on retire les employés, il y a au moins un quart de la population qui est ouvrier. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était on leur donne plus de visibilité, mais il y a une espèce de réalité comme ça qui est que on ferme les usines. Alors ils deviennent quoi, ces ouvriers? Ils sont plus des ouvriers. Enfin, comme tu vois, c'est ça aussi le problème. Il y a une réalité quand même qui fait qu'on essaye de faire en sorte que ces gens n'existent plus. Et en plus, c'est vrai que les usines se ferment. Donc, on fait comment? Les usines se ferment, c'est-à-dire que les gens disparaissent pas, les usines ferment. Donc, il faut voir qu'une usine, bon, c'est beaucoup de difficultés de travail, de rapport hiérarchique, etc. Mais c'est aussi un endroit collectif. C'est-à-dire que ça commence comme ça, le film. Il y a un gars qui dit, moi, je vais pas prendre un mur, un morceau du mur comme le mur de Berlin, mais ce que je vais regretter, c'est les copains. Et donc, c'est vrai que une usine avec des CDI, c'est quand même un endroit c'est pas le bonheur sur terre du tout, mais c'est un endroit collectif. Quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, c'est collectif. Les usines, elles ferment, les gens disparaissent pas, mais c'est l'intérim, les petits boulots, l'auto-entreprise, tout ce qu'on connaît d'individualisation, c'est-à-dire qu'ils disent, comme il dit, hein, je connais pas un ouvrier, je connais des ouvriers. Le problème, c'est quand les grandes entreprises comme ça ferment, et bon, c'est ce qu'on connaît, et ben, du coup, chacun est tout seul. Et donc il cherche du boulot, il fait des petits boulots, il est dans des petites boîtes, il a des périodes de chômage puis des périodes d'embauche, etc. On repart enfin c'est vraiment ce système-là qui se met en place, et tout le monde est atomisé. Et c'est vrai que comment te bagarrer, défendre tes droits quand t'es tellement individualisé. Et c'est aussi ça que j'aime bien montrer dans le film, c'est comment ensemble on est fort, quoi. Comment on fait pour retrouver des espaces comme ça, des espaces de décision commune. Et c'est vrai qu'il y a un système d'individualisation. Ils existent toujours. Il y a toujours autant il y a vachement d'ouvriers ou d'employés, etc. Mais chacun est tout seul, quoi. Comme un individu isolé. Et puis nous, en plus, maintenant, en France, il y a la destruction du code du travail là qui est mise en place. Donc ça sera encore plus ça, quoi. Encore plus le gars tout seul, sans définition de sa place. Il sait pas s'il est un ouvrier, pas un ouvrier, parce que du jour au lendemain, tu changes, t'es vendeur, et puis tu fais du surgelé, et puis tu fais de la chaîne, et puis tu fais t'as des petits boulots tout le temps, quoi. Et du coup, t'as atomisé. Et en France, comme ça, une bagarre, je sais pas si vous avez entendu parler, entre les taxis et les chauffeurs Uber. Ce qui est impressionnant, c'est que au lieu de se dire, ben dis donc, on a des employeurs, on galère, qu'on soit chauffeur Uber ou chauffeur taxi, et exigeons un statut salarié de ces professions-là, ils arrivent à se bagarrer. Et moi, je suis de Saint-Denis, et à Saint-Denis, en gros, c'est une génération de banlieusards contre une autre. Et ils se bagarrent physiquement entre eux. Voilà, c'est incroyable ce qu'on arrive à générer de divisions internes à un moment où tu te dis, bah regardez les mecs, mettez-vous ensemble et dites comment vous voulez être chauffeur. Qu'on soit Uber ou taxi, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est quelles conditions de travail vous voulez avoir quand vous êtes chauffeur. Et tu vois, et personne, plus personne se dit, bah, tu regardes la bagarre taxi, Uber, tu te dis, oh là là, c'est le bordel, mais voilà, on se dit, même plus on a le réflexe de se dire, tiens, il y a un truc qui déconne, pourquoi ils sont pas ensemble? Pourquoi ils sont, enfin, voilà, on se pose même pas cette question-là. Oui, ce qui est intéressant, en fait, de voir dans ton film, c'est aussi de se rappeler. C'est intelligent, quoi, de se dire oui. Par exemple, dans le film, on voit bien ceux qui font la grève et ceux qui ne font pas la grève. L'idée, c'est vraiment pas de se bagarrer entre ces deux groupes, mais de se bagarrer bien plus haut, quoi, d'aller voir vraiment les patrons. Et alors, je trouve, on s'est bien foutu dans le film aussi. C'est ces patrons, ceux qui gèrent un peu cette grosse boîte, ils ont vraiment installé toute une mécanique pour épouser les gens, pour ne rien dire. C'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme ce qui se passe, non? On va licencier des gens pour pas, et en plus, cette boîte fait déjà plein d'argent. C'est quand même énorme, quoi. Au début, ils parlaient du patron, je leur disais, oh, vous exagérez, arrêtez de caricaturer. C'est impressionnant, c'est-à-dire que, après, pareil, ponzons-nous 5 minutes, le gars qui est président de PSA, il s'appelait Varin, il est resté 4 ans, juste le temps de Philippe, PSA, c'est l'usine, donc c'est Citroën et Peugeot qui sont ensemble et qui s'appellent PSA. Le président, c'était Philippe Varin, il est resté 4 ans. Il est resté 4 ans pour faire juste la fermeture de l'usine plus 17 000 postes en moins. Enfin voilà, il était là pour ça, c'est son métier. Et puis après le management, il faut voir que dans l'usine, par exemple, les ils ont 3-4 réunions par jour pour savoir quoi dire, c'est-à-dire pour avoir les éléments de langage vis-à-vis des gens qu'ils ont en face. Le mensonge, enfin vraiment, le mensonge est une technique de management comme une autre. Et là, on le voit bien, puisque déjà le premier mensonge, c'est que il y a un plan secret de fermeture d'usine pendant 1 an. Ils disent non, ça va pas fermer, et ils annoncent la fermeture au jour où ils ont décidé dans le plan secret de l'annoncer. C'est-à-dire, il n'y a pas un millimètre de changement de leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils élaborent des stratégies et ils élaborent le plan de communication qui va avec, en utilisant le mensonge comme un truc récurrent. C'est pas on ment quand vraiment on peut pas faire autrement. C'est récurrent. À chaque fois qu'il y a une manif, un CCE, peu importe, il y a une dépêche qui ment. Mais c'est dégueulasse. Je veux dire, ça pousse vraiment. Enfin, ça a dû être assez fort dans l'usine de ne pas se bagarrer, hein. Parce que on vous traite pas bien. Enfin, c'est quand même horrible, hein. Ça génère plein de frustrations, plein de. Tu vois. Je pense que ça génère des frustrations pour ceux qui se laissent embarquer par le mensonge ou par la peur. Qui se laissent embarquer par le qui y croit, quoi. D'une façon ou d'une autre, qui y croit par peur ou qui y croit par crédulité. Je pense que c'est très très violent. C'est insupportable. Pour les gars qui se mettent en bagarre, c'est juste normal. Alors pas normal au sens juste, hein, mais normal au sens t'as des gens en face. C'est une bagarre. Il faut arrêter de croire que les choses arrivent par hasard et de se paniquer à chaque fois que quelque chose arrive. Et ça, c'est, moi, je trouve très très fort dans le film, cette tranquillité de poser sur la table, voilà, la stratégie du patron, il en est là. Il va dire ça. Il va faire ça. À la limite, des fois, on dirait des devins dans le quart, et à un moment où Jean-Pierre Mercier, il leur dit, bon, alors moi, si je suis la direction, je fais venir des cadres de l'extérieur pour nous empêcher de discuter, nous, ce qu'il faudra. C'est-à-dire qu'il prévoit à l'avance ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ils sont pas dans cet énervement de, ils se sentent pas trahis, puisque la direction, ils considèrent qu'elle est pas de leur côté. Donc il y a pas de trahison. Il y a juste deux camps. Et ces deux camps-là, ils ont des intérêts opposés. Une fois que t'es dans cette idée-là, t'es vachement plus, et c'est ça qui fait le côté jubilatoire du film, t'es vachement plus dans un esprit de combat, d'intelligence, de, bon, ils aiment pas ce mot-là, mais de stratégie, que dans une espèce d'émotion, oh là là, ils nous ont encore menti. Bah, c'est leur métier. Oui, qui mentent, allez-y, mentez. Mais nous, en face, on fait quoi? Voilà, c'est un peu, c'est un peu ça que moi je trouve assez beau dans cette lutte-là, c'est qu'il y a cette tranquillité de se dire, on a le pouvoir de décider de ce qu'on veut faire nous. Il faut arrêter d'attendre que ce soit du gouvernement ou de la direction qu'elle décide à notre place, puisque de toute façon c'est pas à eux de décider à notre place. Il y a une espèce de, c'est ça qui fait, je pense, le, même si c'est des, enfin c'est la période actuelle, la lutte est pas facile, etc. Mais il y a cette espèce de d'énergie tranquille des mecs qui sont au bon endroit, voilà. Donc ils sont assez voilà, ils sont dans une belle dynamique, parce que de toute façon la lutte elle est bonne. C'est une lutte, enfin moi on dit c'est une lutte défensive parce que c'est contre la fermeture, mais c'est une lutte offensive dans ce sens-là. C'est qu'à aucun moment ils se désespèrent du dernier mensonge de la direction ou du dernier lâchage du gouvernement, puisque ils sont sans illusion là-dessus. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas négocier, etc. Ils passent leur temps à vouloir négocier, ils passent leur temps à vouloir que ça avance, ils passent leur temps à vouloir marquer des points, comme ils disent. Mais c'est avec un état d'esprit différent. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui empêche la violence. C'est pensons-nous nous-mêmes. Arrêtons d'espérer des autres qu'ils s'arrangent notre sort. Voilà. Mais tu peux comprendre. Enfin, est-ce qu'on peut comprendre? La violence, je veux dire, il y a des fois des manifs qui tournent mal. Récemment ici en Belgique, début de l'année, il y avait la manif des agriculteurs. Ils étaient furax, ils ont tout cassé. Est-ce qu'elle est, je veux dire, comment ça se fait que dans ce cas-là, elle se met pas en place cette violence, tu vois? La violence, c'est un outil comme un autre, on peut dire. Voilà, why not? Mais why not? C'est-à-dire pourquoi pas? Et pourquoi on peut faire autre chose ou on peut pas faire autre chose? D'abord, il y a des violences qui sont acceptables de la part du pouvoir et d'autres qui le sont pas. En tout cas, en France, la violence des agriculteurs est acceptable. La violence de certaines les bérets rouges est acceptable. La violence des bonnets rouges, là, les bretons, les patrons bretons, etc., c'est acceptable. La violence des ouvriers est inacceptable quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, mais parce que c'est une violence, c'est un rapport de vraiment de classe. C'est-à-dire que quand il y a eu Air France où ils ont pas, le mec a pas une égratignure. Il passe au milieu, il provoque, il passe au milieu de la manif. Il a sa chemise déchirée, il n'a pas une égratignure, pas un coup. Et t'as le premier ministre de France qui dit c'est inacceptable. Ce sont des voyous. C'est des voyous, alors qu'ils ont absolument pas touché au mec, quoi. Ils l'ont même plutôt protégé. Donc c'est, de toute façon, t'es un mec en lutte, un ouvrier en lutte, t'es un voyou. Parce que c'est très important, je pense, pour beaucoup de gens de pouvoir, de faire peur aux gens en leur disant si vous allez avec eux, vous serez à la marge. Voilà, c'est de la marginalisation. C'est voilà, vous risquez de vous faire embarquer, etc. Après, la violence en soi, si c'est décidé démocratiquement dans un comité, etc., why not? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est ça la question. Parce que eux, ils avaient dans leur discussion, ils n'avaient pas intérêt. Et souvent, la violence, elle remplace le nombre. C'est-à-dire, elle remplace le nombre. Elle rend aussi con que le mec d'en face, parce que quand même, c'est pas rien de taper quelqu'un. Et même si c'est ton ennemi, même si c'est ton outil de travail, etc., ça veut dire que quand même, tu t'es pas fini pour la cause. Enfin, tu passes un cap, et ce cap-là, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie à toi, quoi? C'est souvent, il disait ça, parce qu'il y a, dans les débats, il y a souvent des gens un peu installés dans la vie qui disent, oh, mais de toute façon, faut passer à autre chose, faut qu'on tape les patrons, etc. Oh, quand t'es ouvrier, ça veut dire d'aller au tribunal. Ça veut dire se taper trois ans de procès. Ça veut dire l'avocat. Ça veut dire que toute ta famille, elle est mise au banc, comme si t'étais un voyou. Ça veut dire que tu risques la prison. Ça veut dire, c'est, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est de faire des martyrs? Ou est-ce que c'est de faire en sorte que, voilà, que chaque ouvrier, salarié, tout ce qu'on veut, soit au maximum de ses capacités d'action? La capacité d'action et d'intelligence, c'est quand même plus intéressant que de devenir des petits malfrats. Voilà. Après, voilà, une fois que j'ai dit ça, je dis pas, ah non, jamais violence, machin. Ça, mais, alors, ça se décide, et ça se décide pour une bonne raison. C'est de la stratégie, quoi. C'est, si on est au combat, On fait pas n'importe quoi. Si on décide d'y aller, bah, il faut dire pourquoi et dire qu'est-ce qui va se passer après. Et pourquoi on y va quand même. Et après, par contre, il n'y a jamais à incriminer. Alors là, pour le coup, parce que le problème, c'est ça, c'est que tout le monde, à chaque combat collectif, il y a des incriminations de violence. Qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, de toute façon, les mecs, ils sont incriminés comme étant des violents. Et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas à condamner qui que ce soit dans ce qu'il a fait, parce que il a fait ce qu'il pensait être juste, et que la violence en face, elle est 15 fois plus grande, et jamais on la met au banc, quoi. Le mec, là, ils viennent de gagner le 8 mars, ils ont tenu au tribunal la CGT que le tribunal dise que les licenciements sont pas justifiés. Ben ils vont pas être condamnés PSA pour ça. Pour avoir fait les licenciements injustifiés. Et des licenciements, si c'est pas assassin, si c'est pas une violence, ben les gens, ils sont au chômage, quoi. Et là, ils vont passer au RSA, ceux qui n'ont pas trouvé de boulot, quoi. Et ça, non, c'est pas des voyous. Attends, c'est quoi? C'est assez énorme quand même, hein. Il y a une violence qui est là, et c'est quand même fou. Mais moi, quand je parlais de la violence, ça veut dire... Je ne suis pas pour la violence, hein. Je trouve ça magnifique quand on arrive à dépasser cette énergie de violence pour créer des choses vraiment intelligentes et intéressantes. Mais comment on arrive à ça? Ça, moi, c'est ce que j'ai découvert. On arrive à ça en comptant les uns sur les autres. Et le premier truc, c'est vraiment ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire, c'est les comités de grève. Les vrais, hein. C'est-à-dire, pas un truc un peu annexe pour juste détourner les syndicats, mais le comité de grève, ça veut dire un bonhomme, une voix. C'est-à-dire que dans les ateliers, on se met ensemble, on discute, chacun dit son avis. Ça dure longtemps, hein. Oui, c'est pas simplement on dit 2-3 phrases et on vote, hein. C'est on fait des discussions jusqu'au bout. Oui. Jusqu'au bout, chacun dit voilà, mais moi je pense ça, je pense qu'on en est là, je voudrais faire ça. Moi je suis pas content parce que ceci, parce que cela. Oui. Au bout du bout de la discussion, on vote. Mais c'est au bout du bout de la discussion. Oui. Et on vote. Et c'est pas de la démocratie juste pour avoir eu le plaisir de dire son avis. C'est au bout du bout, on vote pour décider quelque chose. On va décider quelque chose, et cette chose qu'on a décidée, on va l'appliquer. On va le faire, tous ensemble. Et ça fait que ce truc-là, il atténue 90% des envies de violence. Parce que, et les 10% qui restent, c'est que, on se dit, et puis on va aller discuter avec les non-grévistes pour leur dire tout ça. Et ce qui fait que tout ce truc-là, toute cette prise en compte de la vie des uns et des autres, installe une super confiance. Tu peux pas péter les plombs parce que les copains, ils comptent sur toi. Et ça, c'est vachement important. Et puis, la décision, elle a été prise ensemble. Tu peux pas passer outre la décision qui a été prise ensemble. T'as la solidarité, mais au sens fort du terme, quoi. T'es solidaire. Et là, le pétage de plomb, il est moins possible. Et puis, l'autre chose qui fait qu'il n'y a pas le pétage de plomb, c'est que t'as un espace où t'as dit tout ce que t'avais à dire. Le pétage de plomb, il est aussi parce que il y a un moment donné, à quel endroit tous tes doutes, tous tes désespoirs, toutes tes contradictions, à quel endroit tu peux le dire? Si tu peux pas le dire, forcément tu t'énerves. Si tu peux le dire et que t'as des gens qui t'écoutent, qui considèrent que ce que tu as à dire, c'est intéressant, ça vaut le coup, et on t'a entendu, parce que moi j'avais un seul micro, hein, donc je filme des discussions à 200 mecs. On entend ce que dit le mec. Ça veut dire que tout le monde écoute. Ouais. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Et ben, si t'as ça, tu pètes vachement moins les plombs. Enfin, tu vas mieux. Quand je dis à plein des capacités, c'est ça. C'est que t'es moins violence contre violence, hein. Alors que je pense que on voit dans le film à la fin un envahissement de réunions par des gens qui n'ont pas fait grève. Là, ils hurlent. Là, ils pleurent. Là, ils s'agitent dans tous les sens. Parce que ils ont pas, eux, ils sont dos au mur, quoi. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir cet espace-là de penser, de prise en compte. Parce que même si tu gagnes pas, quand t'as été au combat, bon, t'as les boules de pas avoir gagné, mais enfin, t'es allé au bout, quoi. T'es allé au bout de tes forces, quoi. Donc, tu vas plutôt mieux. Donc, t'es moins violent. Et c'est quand même une question fondamentale, la violence dans la lutte, hein, parce que, par exemple, ça me vient comme ça, mais aujourd'hui, il suffirait que tu dises non, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que tu es violent. On rentre dans une nous. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bon, il y a en France, en Belgique, mais c'est assez similaire, hein, ce qui se passe pour le moment. C'est-à-dire que simplement le fait de dire non aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce qui se met en place et qui est tout à fait légitime, eh bien, on pourrait dire attention à un agressif, un violent. Oui. Il y a ça, il y a le rapport, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Qu'est-ce qu'il a à s'énerver, hein? Et puis, alors qu'il faut dialoguer, tu vois. Alors, tu dialogues, à mon œil, le gars, il a tout le pouvoir et il appelle ça du dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette espèce de supériorité, soi-disant intellectuelle de la langue. C'est-à-dire qu'il aurait une façon de parler, qui est une façon polissée, éléments de langage, etc., qui de ceux qui savent. Et puis, t'as les autres, ils ont pas les bons mots, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'es jamais dans le bon truc, quoi. Ce qu'elle dit à un moment, Agathe, dans le film. Y a jamais la bonne configuration. Ça fait 3 mois qu'on est en grève, on n'est jamais dans la bonne configuration. C'est pas, au directeur général du travail, elle dit ça. Moi, j'en ai rien à faire des bonnes configurations. Maintenant, on veut du résultat. Et c'est vrai que t'es tout le temps dans une incrimination. Alors, encore plus maintenant, bah, ça doit être pareil en Belgique, mais avec l'état d'urgence, etc. D'espèces de trucs où quand t'es pas d'accord, c'est pas que tu fais avancer le schmilblick, c'est que tu fais chier, et puis que tu t'as pas compris. Nous, on est vachement dans ça, hein, en France, c'est pas ici, hein. Mais t'as pas compris. Quand le code du travail, il nous arrache les pages, là, comme on dit dans le film, si t'as pas compris que c'était valable, c'est que t'as pas compris. C'est que t'es teubé, quoi. Et c'est pas que t'es pas d'accord, que toi ça va te becter ta vie, toi tu vas plus avoir le peu de droits que t'avais à te défendre collectivement dans l'entreprise. Non, c'est que t'as pas compris, parce que c'est des intellectuels, enfin même pas des intellectuels, c'est des mecs qu'on fait qui sont dans le bon pouvoir. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tous dans une bulle, ils ont tous fait l'ENA, HEC, etc. Et ils ont tous la même culture, ils sont tous à peu près parisiens pour ce qui nous concerne à nous, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux. Et ils sont sûrs de leur connaissance et du fait qu'il y a que eux qui ont compris. Et dans le film, on voit vachement ça. L'incapacité d'immigrés et d'enfants d'immigrés, hein, dans ceux qui luttent. Et quand ils discutent avec des ministres ou quoi que ce soit, tu sens bien qu'ils les regardent droit dans les yeux, qu'ils sont à égalité et qu'à aucun moment ils se disent infondé pour répondre au ministre, Ben non, t'as tort, tu vois. Mais comme ça, et enfin vous avez tort. Mais en face, c'est là que tu sens le vide, quoi. Parce qu'au fond, ils ont pas une grande connaissance de ce qu'il nous faudrait réellement, quoi. Donc c'est assez étonnant ce truc en deux temps qu'il y a en ce moment, qui est soit t'es incriminé comme un violent, et là tu risques beaucoup quand même, hein. Soit t'as pas les capacités intellectuelles soi-disant de comprendre la situation, et dans les deux cas t'es repoussé dans le silence, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le film. On est tous repoussés dans notre silence et dans une individualisation de notre âge. Et résultat, ici comme là-bas, il y a l'extrême droite qui monte, quoi. Parce que quand t'as des gens qui sont comme ça réduits au silence et au mépris, ils se tournent vers des gens qui soi-disant leur disent qu'ils vont exister, quoi. C'est vraiment dangereux, quoi, hein, ce qui se passe en ce moment. Enfin, je pense que c'est pareil ici, hein, mais voilà, c'est de la. Enfin, on est vraiment dans un truc violent. Ouais. Et toi, Françoise Davis, alors je dis exprès ton nom de famille, hein, comme ça les gens ils peuvent aller voir qui tu es. Comment ça se fait que tu as ça à l'intérieur de toi, d'aller, parce que ce film, vraiment, j'espère qu'il va bouger beaucoup. J'espère qu'il va rassembler des gens. En tout cas, c'est la preuve vivante qu'on peut faire autrement, qu'on peut être ensemble, qu'il y a des luttes à mener, quoi, et que ça marche. Et c'est vrai que tu en as déjà un peu parlé, mais j'imagine que ça prend aussi du temps et que ça, c'est pas forcément visible dans le film, d'écouter tout le monde, de donner son avis, que la démocratie, c'est du temps, en fait, qu'on passe beaucoup. Et ça, évidemment, le film le rend un peu moins bien, enfin, non? Les discussions, par exemple, ce qui est magnifique dans une discussion de comité de grève, c'est la construction de la pensée ensemble. Alors, on le voit un peu dans le film parce qu'on sent qu'ils pensent et on sent qu'ils construisent un truc. Mais quand on y est, ça dure, les discussions de fin de grève pour signer l'accord, c'était 3 à 4 heures de discussion à 200. Voilà. Et sinon, c'était facile, une heure et demie chaque comité de grève. Donc c'est beaucoup de gens qui parlent, hein, et qui parlent et qui font de leurs pensées, qui vont jusqu'au bout, etc. Donc oui, c'est du temps, c'est vraiment du temps. Mais c'est fabuleux parce que même en termes de cinéma, c'est fabuleux. Enfin, t'as comme ça, sans que tu fasses d'interview ou quoi que ce soit, la construction d'une pensée individuelle et collective en mouvement, quoi. C'est magnifique. Et après, j'ai fait plein d'interviews, de choses comme ça pour comprendre, pour que le film, il reste un film de cinéma au sens où on est tout le temps plongé dans l'action, dans l'action, dans la pensée, dans les choix. On se demande ce qu'ils vont faire, on demande ce que nous on ferait à leur place, etc. Mais pour faire ça, ben c'est 300 heures de rush, c'est des dizaines d'interviews, du temps quoi, hein, de 2 ans de tournage, hein, 2 ans de tournage et puis 20 semaines de montage pour faire de ces 300 heures un film quoi. Donc, c'est, voilà. Mais c'est quoi toi aussi, j'avais aussi envie d'aborder, c'est quoi toi ton désir de mettre ce film en avant, c'est quoi un peu ton histoire, qu'est-ce que tu te racontes par rapport à ça? Moi, perso, je suis au départ, je suis d'une, moi je le définirais comme ça, je suis d'une culture communiste, mes parents sont communistes, et donc c'est voilà, moi ça m'intéresse de vouloir changer la société, mais en même temps je fais des films, moi j'aime bien, depuis toute petite je voulais filmer les gens, voilà, mon truc c'est de filmer les gens, ben parce que je trouve ça beau. Je trouve que c'est beau et puis j'ai pas l'impression qu'on les voit tant que ça, voilà, qu'on voit tant que ça la beauté des gens, leur être quoi, hein, et voilà, ça c'est vraiment ce qui me porte, et ce film là c'est un peu la conjugaison des deux, au sens où culturellement j'ai jamais fait de lutte, enfin sauf au lycée ou à la fac, mais je connais 36, je connais 68, enfin voilà, j'ai baigné dans ces mythes, on va dire, et tout d'un coup depuis que je suis grande, j'en ai pas trop vu parce qu'il y en a pas eu beaucoup, voilà, et depuis 30 ans il y en a quasiment plus, enfin il y en a plein, hein, des petites, mais il y a pas de grands mouvements comme on a connu et tout ça, et là je voulais montrer ça, je voulais raconter ce que c'est que ça, ce que c'est qu'une lutte, une lutte réelle, etc. Alors dans un moment qui est très différent et qui pose une question à tout le monde, c'est que les luttes en ce moment, même par exemple dans l'usine, ils ont été 600 ou 200, donc c'est ceux qui sont en grève sont minoritaires, et quand on est assez ancien ou dans nos mythes justement, c'est des grandes grèves, je suis pas sûre qu'ils étaient même majoritaires, mais en tout cas c'était des grandes grèves, et alors on n'arrive pas à penser que peut-être que même si on fait des grèves minoritaires, pourvu qu'elles soient démocratiques et qu'elles prennent en considération les gens qui font pas grève, ça peut être aussi un moment important de la transformation sociale. On se dit pas comme ça, on se dit à quoi bon puisqu'on sera pas assez. Et c'est bête parce que du coup, il n'y a pas de transmission. Il y a tout le monde qui est encore une fois tout seul et culturellement inculte de ce qu'est une lutte, de ce qu'est de ce qu'on y vit, des stratégies, des coups bas. Enfin, voilà. Et ce truc-là qui a été longtemps ce qu'on appelle l'histoire du mouvement ouvrier, on fait comme s'il n'y avait plus, quoi. Il y a plus de transmission de ça. Et ce film, c'est un film à la fois très moderne, c'est des gens d'aujourd'hui qui parlent comme aujourd'hui, etc., qui sont sur leur portable et tout ça. Et en même temps, c'est montrer ce que peut être le mouvement ouvrier. Voilà, ouvrier. C'est, quand on dit ouvrier, c'est voilà, mouvement salarié. Hein, voilà, le mouvement des gens qui possèdent pas. Bon ben voilà, moi personnellement, c'est le croisement de deux choses que je suis, c'est-à-dire un engagement pour changer la société et puis filmer les gens. Voilà, c'est le croisement de ça mon film. Allez, moi je m'engage aussi pour changer la société alors. Ce que j'ai envie de dire, là le film il sort plus ou moins, enfin je sais pas exactement comment ça se passe en Belgique, en tout cas il va passer à la télé, mais surtout il sort en salle, il y a possibilité de le voir maintenant à l'aventure et après il va aller au Grignoux, enfin dans plusieurs salles, il faut regarder un peu, taper sur internet pour savoir, et ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont pas envie d'y aller parce que aller au cinéma c'est quand même pour prendre plaisir, c'est pas forcément pour se taper un truc un peu ils ont peur de se taper un truc un peu chiant, un tract ou je ne sais quoi, et j'ai envie de leur dire allez-y pour prendre plaisir. Allez-y parce que vous allez passer 2 heures, pas forcément de bonheur où il se passe rien de grave, mais de plaisir de cinéma et de plaisir de rencontrer des gens, quoi. Et puis et c'est vachement, il faut passer au-dessus de la réticence qu'on a. Oh putain, on va se taper voir des ouvriers pleurer dans leur usine, quoi, tu vois. Et d'aller dans un truc où on va s'éclater pendant 2 heures et découvrir un univers qu'on connaît pas, quoi. Et que ça vaut le coup et qu'il y aura. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que tous les gens qui sont dans les salles, en général, il y a un petit miracle qui se passe, quoi. À la fin du film, il y a une belle émotion commune. des gens qui voient le film, et quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit militant, pas militant, engagé, pas engagé, mais il y a voilà, c'est le cinéma, c'est le miracle du cinéma, quoi. Donc j'ai envie de dire, mais c'est pas parce que j'ai envie, enfin si, bien sûr j'ai envie que mon film y soit vu, mais c'est vraiment parce que ça vaut le coup, c'est une belle expérience à vivre. Merci Françoise Davis, alors pour le film Comme des lions, quoi, ça va? Comme des lions, voilà.